arc-en-ciel, un amour de la femme. bonjour à tous, à tout, il est 13h35, et bien, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel, la radio en couleur avec Nicolas, jusqu'à 17h pour l'émission Music Dance avec plusieurs chansons différentes. Juste un instant, j'ai pu entendre un morceau d'accordéon country avec tout simplement genre, avec Berry, tout simplement, Serge Berry. Voilà, donc bien, dans l'après-midi, on écoutera plusieurs chansons diverses et puis on va réécouter tout simplement un autre morceau d'accordéon et puis juste après. Donc après, ce sera tout simplement après l'accordéon Jambori avec le titre Lève-toi. C'est un bon moment. Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. C'est pas parce que t'as comme goût amer. Au bord de tes lèvres, des relents de misère. C'est pas parce que la vie t'a rangé dans un coin avec ton chagrin. Tu dois baisser les bras, accepter de te taire. C'est pas parce que ton cœur a pris la mer, non. Ta passion s'est noyée dans un tout petit verre. Tes blessures invisibles te suivront partout, même si tu pars loin. Alors reviens au portail, les choses à y faire. C'est pas parce que les gens t'ont dit que tu valais rien, que c'est ton destin. Alors reviens au portail, des bouches à faire taire. Hey, allez, lève, lève, lève. remplie de mystères. Et que bien trop souvent on regarde en arrière. Mais plutôt que de pleurer sur ce que t'aurais pu faire, ça ne sert à rien. Pose la pierre la première du bonheur de demain. Allez, lève, lève, lève et lève-toi. Quand on lève le poing, n'attends pas qu'on te donne raison pas. Allez, lève, lève. Jamais mal. On ne se sépare jamais des casseroles qu'on se trimballe. Mais tu dois essayer, t'as vraiment rien à perdre. Le bonheur c'est tout droit. Pour le saisir tu dois faire le premier pas. Allez, lève, lève, lève et lève-toi. Quand on lève le poing, n'attends pas qu'on te donne raison pas. Allez, lève, lève. Alors, ce script ? Je sais pas. Y a pas un peu trop d'amour là-dedans quand même ? Bah ouais, mais l'amour, Lola, il y en a dans tous les films que t'aimes aussi. Tiens, regarde. Ben voici, tout simplement, elle s'appelle Lolo Bini avec Pourquoi on s'aime. Il est dans les films, il est dans tous les scénarios. Toujours au premier rang, il nous pousse, il nous rend héros. Je veux casser la machine de le voir partout, ça me rend miro. Si je dis que j'ai jamais dit je t'aime, on s'affole, on me traite de mytho. Oh, je sais plus sur quel pied danser. Mais j'ai trop tenté sans gagner. Tout le monde sait son nom. On nous saoule avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi. Tout le monde sait son nom. On nous saoule avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Pourquoi on s'aime. Après, souvent pour rattraper ce qu'il en reste. Avant de passer au suivant, on tente tout, on trie mon test. J'ai tenu des nuits sans sommeil, attendre le moindre message. Face à ça, on est tous les mêmes, on devient des enfants passage. Oh, mais je sais plus sur quel pied danser. Avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Tout le monde sait son nom. On nous saoule avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Pourquoi on s'aime. Sans laisser, si l'amour nous a blessés, si la solitude l'emporte, on se doit d'être honnête, on le cherche, on le guette. Tout le monde sait son nom, on saoule avec ses rengaines, parfois oui, parfois non. Tout toujours savoir pourquoi on s'aime, pourquoi on s'aime. Mais du coup, j'ai pas compris, on le fait le clip ou pas? À ton avis. Grave chaud! Pourquoi on s'aime? Voici tout simplement la nouveauté de Lily Harmony. Voici le titre, s'appelle Wake North. Voilà donc son titre. Et un petit bonjour à Lily. Je vous balance un son pour entrer dans la danse. Des coups, des box, sans équivoque, du bon, du mal, même si ça choque. Chanter, crier, ça je sais faire bien plus pour plaire. Warrior, c'est moi, je suis comme ça. Warrior, c'est moi. Danse. les cheveux longs, ça fredonne des mots piquants qui vous dérangent dans le game. C'est moi la dame sans accessoire, ni autotune, loin de la gloire. Je maudis la thune, noir et rancard. Wabia, c'est moi, je suis comme ça. rien n'y résiste. N'hésitant pas, faites comme moi. Tu vis bien même pas. Rythme le twist, ouais. Dans le voilà, main là. Et tu t'y prends bien. Continue comme ça. Retour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sûr mon cœur. Et rythme le twist. Yeah. Tourne bien, oui, tourne bien encore. Mais en dansant, n'oublie pas que je suis là. Tout en rythme le twist. Et entre tes bras, ouais, mon cœur bat pour toi. Et twist, rythme le twist, ouais. Dans le voilà malin. Et tu t'y prends bien. Continue comme ça. À tour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sûr mon cœur. Et rythme le twist. Yeah. À tour le bas, oui, tourne bien encore. Mais en dansant, n'oublie pas que je suis là. Tout en rythme le twist, et c'est ça le twist. Bras après tes mains, ouais, brûle la piste. C'est mieux que bien. À tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, je vous laisse avec tout simplement Alexia Stefano. Oh, oh, oh. Voici donc que s'appelle tout simplement eh bien Layuna. Et juste après elle, ça sera Collectif Métissé. Et rebelle, d'elle nous aime, la vie paraît plus belle. Mais y'a plus qu'à danser quand les filles sont sexy. Elles viennent nous ambiancer et vont bouger nos nuits. Mais y'a plus qu'à danser quand les filles sont sexy. Elles viennent nous ambiancer et vont bouger nos nuits. La vie la nuit, y'a plus qu'à danser. Les filles sexy, y'a plus qu'à danser. Samedi aussi, y'a plus qu'à danser. C'est chaud, c'est chaud. La vie la nuit, y'a plus qu'à danser. Les filles sexy, y'a plus qu'à danser. Samedi aussi, y'a plus qu'à danser. We are ready for the show. This is the right way to follow. Everything has to be flow. Whoa, oh, oh. One more time. We are ready for the show. This is the right way to follow. Everything has to be flow. Whoa, oh, oh. Hey, y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. C'est chaud, c'est chaud. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. C'est chaud. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. C'est chaud, c'est chaud. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à danser. C'est chaud. Y'a plus qu'à danser. C'est trop chic, je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, mais je m'en fous, c'est ton fou, c'est ton fou. On passe à bas, je fais le travail. On passe à bas, il va me tuer. Ce soir, ton jail, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jail, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jail, vas-y sur le bail. Ya me acostumbré, ¿qué pasó? Ya me acostumbré. Dímelo, mami, ya me acostumbré. Dale como reggaetón, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Lleve esta música la mía. Hay animación, ven aquí a mí. Muerde tu cuerpo, tu anatomía. Ça m'arrête, tu es trop de goût. Le fuego. Évidemment, ya pour faire le show. Si tu peux me comprendre, suis-moi dans mon lit. Découvrez la passion de la musique. Voici donc Kevin Mandel Talking avec Your Mart et Mon Soul. Et juste après eux, ce sera tout simplement Disco Mix. We'll be right back.

doors. Oh, those Russians. Feel the magic in the air. I love it in my ale, ale, ale, ale. Feel the magic in the air. Voici donc on t'ouvre avec un morceau plutôt douce avec le classique. Un petit bonjour à tout nous. Voici donc Hélène Saint. Donc voici deux titres différents. Avec notre passé pour guide, on se devrait d'être lucide. Mais notre méfiance est à bout. L'amour est bien plus fort que nous. Faire plus fort que nous. C'était tout simplement un de vos ross, et voici une autre qui s'appelle tout simplement Jody Thébourg. Embrace me, my sweet embrace, evil you. My heart grips deeply in me. You and you alone bring on the gypsy in me. I love all the many charms above you. Différentes comme le jazz et juste après l'accordéon. We loved, we loved, we cried, and suddenly love died. The story ends. And we're just friends. Just friends, lover no more. Just friends, not like before. To think of what we've been, and not to kiss again seems like pretending. It's not the ending, but just friends, drifting apart. Two friends, one broken heart. We laughed, we loved, we cried, and suddenly love died. And sorry, and we're suddenly just friends of baby. But at that already Arc-en-ciel, c'est aussi ça. s'appelle Chris Adams et le titre s'appelle Je suis libre. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Ela era a filha da dona. près d'un sacré niveau, près d'un sacré confrère qui pourrait Faut finir les choses, je crois qu'il y a des autres amis. Com este ritmo que está na berra, dancei com a fofa e também com as fofinhas. Dançavam tudo na pista improvisada, feita no centro, na sala de estar. Andava a fofa a dançar com fofinhas, não tardou muito, estava tudo a bombar. E todos querem dançar com a fofa, dançar com a fofa que ela dança bem. E veio a fofa para dançar comigo, eu dancei com a fofa e com bem também. E todos querem dançar com a fofa, dançar com a fofa que ela dança bem. E veio a fofa para dançar comigo, eu dancei com a fofa e com bem também.

vais longe, eu ouço dizer que não tens garra nem ambição, mas tens aquilo que mais importa, que é muito amor no coração. Quando há amor, tudo se ultrapassa, tudo se resolve, seja o que Deus quiser. Esquece o resto, estamos cá os dois. Ai meu bem, para o que der e vier. Quando me contam cobras e lagartos, a teu respeito e que vais ser um zé ninguém, encolho os ombros, esboço um sorriso e digo também: um zé, um zé ninguém. Quero lá saber se é um zé ninguém. A mim só uma coisa é que me convém, é ser muito amada pelo zé ninguém. Um zé, um zé, um zé ninguém. Quero lá saber se é um zé ninguém. A mim só uma coisa é que me convém, é ser muito amada pelo zé s'appelle tout simplement 1, 2, 3 et c'est Ferry Catherine et juste après elle ce sera Renaud. 1, 2, 3 ma politique à moi c'est d'être aimé de toi et chanter la la la la la la la. 1, 2, 3 la vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. Là-dedans, surtout à mon âge, le cannabis, c'était marrant. soir hier, il fait un petit peu beige, m'a proposé une bière. Il y a un bistrot juste en face, d'ailleurs tout c'est interdit. Je me suis dit, c'est une farce, à son faire pas les petits. J'ai bu une grenadine pendant mon pot de poivreau. J'ai filé, j'ai 5 000. Je dirais que c'est un peu trop. Il avait l'air content, pas l'alcool et les tigresses. Si tu mets un moment, je lui dis, faut que je te laisse. Tu vas pas se laisser pourrir par cet alcool à la con. Tu vas pas se laisser pourrir, vous y êtes le foie à la con. Journée, ça vous allume, même une bière de temps en temps. Un cerveau comme une grosse plume, va mettre la queue devant. Je connais un pote chanteur qui a paumé 10 ans de sa vie. 10 ans d'errance, de malheur, dépression, hypocondrie. Tout ça à cause du pastis, le seul poison de Marseille. À cause d'une vie bien trop triste, à cause d'une vie sans soleil. Soit flétrie ou bien jolie, elles sont venues s'enraciner dans le terreau de nos esprits. Elles s'imposent et se multiplient, elles envahissent toute ma vie. Idées, passages, pensées sauvages, elles poussent la nuit, puis nous surprennent. Pensée sauvage, ni encerclée, ni piétinée. Idée passage, pensée sauvage, elles veulent grandir en liberté. Ce sont des indisciplinés, des réflexions inopinées, un peu rêveuses, pas trop dociles. Cherche pas à les dompter, tes efforts seraient inutiles. Si leur doctrine te semble futile, elle reste pourtant indélébile. Idées, passages, pensées sauvages, elles poussent la nuit, puis nous surprennent. Idées, passages, pensées sauvages, passage, pensée sauvage, elle pousse la nuit et nous surprenne. Idée passage, pensée sauvage, ni encerclée, ni piétinée. Idée passage, pensée sauvage, elle va grandir en liberté, en liberté. Voilà donc juste un instant, vous avez pu entendre tout simplement Ophélie Morival. Voici donc Pierre Lopes. Je serai l'eau d'une rivière. Je serai gravé dans la pierre. Dans son regard, et c'est Lily Harmony, un petit coucou. J'ai voyagé de ville en ville, accosté à travers le monde, de quai en quai, de ville en ville, me poser vers d'autres îles. Fier appris chaque jour de lui. Aimer la vie, celle que je préfère, la beauté d'aimer infini. Prendre ma vie comme elle vient, sans me soucier des lendemains. Trouver enfin ce trésor, cette petite chose qui vaut de l'or. Dans le regard de mon père, j'ai dansé jusqu'à la nuit. Sous un ciel bercé d'étoiles, un enfant qui me sourit. Dans le regard de mon père, le regard de mon père. Dans le contexte actuel de l'évolution sexuelle, tous les troupes me tarent, me font de grands sourires. Je reste fondir. Je suis rocker. Voici donc, ben, je vous laisse avec Adore, avec What is Love et suivi de Corona. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. We'll be right back. Nothing I'll be feeling so lonely. Be my food, but I'll be bringing you. Be sitting all around you, come back soon. Me love you, I'll be much of the girl, let's be true. But what me want is you, that's true. No more, no more, I can't stand it. Is you, that's true. Et si tout simplement voulu. Ces odeurs, ces couleurs, cette fois, la dernière fois. Retenir tout par cœur au plus profond de soi. Il est avec son frère. sachant pas quoi faire pour s'en souvenir mieux. Il est avec son frère et ils partent tout à l'heure. Un secret pour son père, la promesse à sa sœur de protéger son frère quand ils seront loin d'ici. La lettre pour sa mère, pardon, merci. Son frère, un secret pour de protéger son frère avant qu'ils soient loin d'ici. La lettre pour sa mère, merci. Voici donc il s'appelle tout simplement Nash avec Dans les yeux de ma mère, et juste après ce sera Kainabi avec Déterminé. Comme la vie dans les yeux de ma mère, adresser des flambeaux, raviver des blessures doucement dans la nuit. Dans les yeux de ma mère, j'ai vu tes arcs-en-ciel, j'ai même vu mon père, j'ai même vu mon père. Dans les yeux, je suis à la recherche de la paix inconnue que je connais si bien. Dans les yeux de ma mère, j'ai vu mille batailles, j'ai vu mille prières, j'ai vu comme l'aventure. Dans les yeux de ma mère, a brisé des murailles, dépassé des frontières, j'ai vu l'amour pur. Dans les yeux de ma mère, les yeux de ma mère, j'aimerais me noyer, j'aimerais me lever, j'aimerais me perdre. Dans les yeux de ma mère, pour trouver son secret, déceler son cœur et son âme superbe. Dans les yeux de ma mère, planté à chaque seconde, j'entrevois l'univers, j'entrevois l'univers. Dans les yeux de ma mère, toujours à la recherche de la paix inconnue que je connais si bien. Dans les yeux de ma mère, j'ai vu comme c'est beau, j'ai vu comme c'est dur, j'ai vu la vie entière. Vous avez une belle voix, et je vous prédis un bel avenir. Mais je vous sens pas assez déterminé. Alors pour moi, malheureusement, ce sera un non. Je vous encourage à continuer et revenez nous voir plus déterminés. La leçon est courte et très endurcie. Fonce, ne regarde pas en arrière. Passe de l'ombre à la lumière. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. Thank you. mariage, mais qui est ce nom? Rosemarie. Faut voir comme tous les hommes répètent son nom. Rosemarie. Car elle est l'idée idéale, idée idéale, idée idéale. Celle dont ils rêveront après le bal, c'est Rosemarie. La plus belle de tout le canton, Rosemarie. La plus sage du village, mais qui est ce nom? Rosemarie. Faut voir comme tous les hommes répètent son nom. Rosemarie. Car elle est l'idée idéale, idée idéale, idée idéale. Celle dont ils rêveront après le bal. Attention, on y va.

s'il est tard, tu dois partir. Je garderai ton souvenir. Pour l'instant, un amour de la femme. Avec le groupe Gold. Le titre s'appelle tout simplement Ville de Lumière.

Il n'y a plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Les mains levées vers l'avenir, ramener la tête, oublier le temps, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, c'est pas le roi. Je vous laisse avec le petit Tintin de l'Angleterre, avec le titre, ça s'appelle You Make Me Feel, avec tout simplement le petit Jerry Jemifil. Oh, choisi donc eh bien, Joss Groban et suivi de Diego Morena et Jean-Philippe Audin. Voilà donc un petit coucou à Tony. Voilà donc voici donc deux titres différents. Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Reflected in a stream, she may not be what she toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc on va écouter pour tout simplement avant de se quitter la toute dernière chanson, tout simplement de Lily Harmony. Le titre s'appelle Walk Out. Je vous balance un son pour entrer dans la danse. Des coups, des bottes, sans équivoque, du bon, du mal, même si ça choque. Chanter, crier, ça, je sais faire bien plus pour plaire. Warrior, c'est moi, je suis comme ça. Warrior, c'est moi. Vêtue de cuir pour vous chanter. Un petit robe bien pimenté, simplement armé d'un micro. Écoute mon flow, je viens te chercher dans ta radio. Dans ta radio. Warrior, c'est moi. Je suis comme ça. Loin de la gloire, je maudis la thune, warrior encore. Warrior, c'est moi, je suis comme ça. Warrior, c'est moi. Dans mes combats, warrior, c'est ça. Warrior, c'est moi. C'est aussi ça. Cette musique d'accordéon qu'on va se quitter. Voilà, donc on va se retrouver prochainement. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, donc eh bien, l'émission se touche à la fin.

nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fatiga, de toda a injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver, pra sobreviver. Nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Para mais sobre este e outros panfletos, vá ao grupo deste programa na página de Facebook da Antena 1.